الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce modeste rappel s'intitule Caricature. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de commencer, il est nécessaire de définir ce qu'est une caricature. Qu'est-ce qu'une caricature ? Qu'est-ce qu'une caricature ? En langue française, comme le stipule le dictionnaire de référence Larousse, une caricature est une représentation grotesque, c'est-à-dire ridicule, en dessin, en peinture, etc., obtenue par l'exagération et la déformation des traits caractéristiques du visage d'une personne ou des proportions de son corps, dans une intention satirique, c'est-à-dire pour se moquer. Et on trouve une deuxième définition dans le dictionnaire Larousse qui nous dit « Une caricature est une image infidèle et laide, une reproduction déformée de la réalité. » Voici donc la définition, l'explication du terme « caricature » d'après le Larousse, le dictionnaire de référence en France, ou plutôt l'un des dictionnaires de référence en France. Revenons à l'affaire qui nous intéresse. Ces caricatures qui sont propagées dans les journaux et sur Internet. Celles dont tout le monde parle. Eh bien, elles ne sont en rien, en vérité, elles ne sont en rien des caricatures du prophète de l'islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Car ceux qui ont produit ces caricatures, ceux qui les ont dessinées, n'ont évidemment jamais vu ni connu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas non plus étudié son comportement, sa morale, ses principes, ses enseignements. Ils n'ont pas eu accès à toute cette science et tout ce savoir. Ainsi, ils n'ont pas déformé les traits physiques ni la moralité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas exagéré sur les proportions ou les caractéristiques de son visage ou de son corps, car ils ne les connaissent pas. Ils ont donc inventé et fabriqué de toutes pièces un personnage dans un but idéologique et satirique. Et ils se sont appuyés pour faire cela sur leurs préjugés, leurs amalgames entre islam et terrorisme, une bonne part de mauvaise foi, une dose non négligeable de vulgarité et un rejet prononcé de l'intime et du sacré. Et bien entendu, il ne convient pas de tomber dans le cercle vicieux de la violence ou de la vulgarité en réponse à ces vilains desseins. Il ne convient pas de tomber dans le cercle vicieux de la violence ou de la vulgarité en réponse à ces vilains desseins. Parce que d'une part, contrairement à ces personnes, nous revendiquons une foi authentique, une éthique, une éducation spirituelle profonde, une éducation religieuse issue du Coran et de la Sunna, et ce, malgré nos imperfections et nos faiblesses. Et répondre à ces vilains desseins par de la violence, des menaces, de la brutalité ou de la vulgarité, eh bien tout ceci est contraire aux enseignements de sagesse et de droiture que nous a transmis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autre part, ces desseins ne représentent en rien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit d'un point de vue physique ou moral. Ces desseins, ces vilains desseins, ne représentent en rien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit d'un point de vue physique ou moral. Par ailleurs, nous rappelons que pour tout croyant authentique, l'assassinat d'innocents, de professeurs, de fidèles dans des églises ou des synagogues, toutes ces choses-là sont des actes barbares, des actes sanguinaires, des actes contraires à l'islam, cette religion de vérité, de droiture et de miséricorde. Et comme nous dit Allah dans le noble Coran, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Et nous ne t'avons envoyé, ô Mohammed, que par miséricorde envers les mondes. Et nous t'avons envoyé, ô Mohammed, que par miséricorde envers les mondes. Sourate 21, verset 107. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est pour tout musulman, pour tout musulman, sacré. Nous l'aimons plus que nos proches, plus que nos propres personnes. Il est notre exemple, notre référence ultime. Qu'Allah le comble de ses éloges et de ses salutations bénies. Et ressentir une pointe d'amertume est normal et légitime pour tout croyant lorsqu'il est confronté à ses vilains desseins. Néanmoins, nul ne doit laisser sa colère le guider. Nul ne doit se laisser dominer par ses mauvais penchants et sa rancœur. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était un modèle parfait d'honneur, de grandeur, d'indulgence, de pardon et de clémence. Et c'est grâce à ces principes, ainsi qu'à son endurance et sa patience, qu'Allah lui a accordé la victoire dans la diffusion et l'acceptation de son message. Et comme a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, laysa ash-shadid bis-sur'ah innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Il nous dit dans le hadith unanimement reconnu comme authentique par les imams al-Bukhari et Muslim, il nous dit: le fort n'est pas celui qui terrasse et écrase les autres. Le fort n'est pas celui qui terrasse et écrase les autres. Le fort, c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Innama ash-shadid الذي يملك نفسه عند الغضب. Le fort, c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par la volonté d'Allah, a conquis des cœurs hostiles. Certaines personnes qui se moquaient de lui et qui lui voulaient du mal au début de sa prophétie et qui sont devenues par la suite de grandes personnalités islamiques. Ces vilains desseins ne représentent absolument pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni moralement, ni physiquement, ni rien du tout. Ce ne sont que des vilains desseins, stupides et méprisables. Des desseins qu'on se doit en vérité et en fin de compte d'ignorer, sans leur donner la moindre considération. Comme on dit, le vomi d'un âne n'a jamais empêché le soleil ni de se lever, ni de briller. فصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.